Nous sommes en juin 1913 aux États-Unis. Gosry est un jeune acteur qui n'a pas un sou vaillant, comme tous les jeunes acteurs. Pourtant, il vient de sortir de l'Académie dramatique de New York. Il passe ses journées à courir les agences théâtrales dans l'espoir de décrocher un rôle, n'importe quel rôle, pour jouer à tout prix, et puis surtout pour manger à sa faim. Gosry, tu devrais aller te présenter à Winthrop Hems. Le grand Winthrop Hems, le grand producteur. Oh, tu parles. Pourquoi pas le roi d'Angleterre pendant que tu y es? Qui ne tente rien, n'a rien. Gosry se décide à se présenter au bureau de Winthrop Hems. Il est aimablement reçu par la secrétaire qui lui annonce cependant « Monsieur Hems est absent ». C'est son bras droit, Monsieur Platt, qui va vous recevoir. Mais Gosry a à peine le temps de se présenter. Monsieur Platt lui annonce froidement et immédiatement « Je suis désolé, je n'ai rien pour vous. Au revoir, monsieur. » Et il tend une main glacée et glaciale au pauvre comédien qui se lève sans trop savoir où il est. En reprenant le chapeau qu'il a posé à terre, Gosry heurte quelque chose sur le bureau de Monsieur Platt. C'est un magnifique encrier qui se renverse sur les documents qui sont là. Éperdu d'horreur, Gosry essaye de réparer les dégâts. Il saisit le tampon buvard et s'affaire. Mais M. Platt l'interrompt brutalement. « Sortez d'ici! Sortez! Immédiatement, vous m'entendez ?» Gosry se retrouve au dehors, sous la neige new-yorkaise, la tête vide. J'aurais dû lui dire. Mais enfin, quel imbécile je suis! Je n'ai même pas pensé à lui dire que... Pas de doute possible. Gosry vient de rater la chance de sa vie. Il se sent rempli de honte et de rage. Pour le coup, il lancerait bien dans la vitre toute proche de l'agence Winthrop Hems. Gosry entre alors dans le premier hôtel et, dans le salon, il saisit une feuille de papier à lettres mise à la disposition des clients. Il a par écrit, il déverse sa bile. Il a des arguments cinglants contre l'agence Winthrop Hems. Il accuse celle-ci de préférer les acteurs britanniques aux Américains. Puis, il expose, sans modestie, toutes ses propres qualités d'acteur, qualités qui auraient dû intéresser M. Winthrop Hems. Et enfin, emporté par son élan, il se lance dans une critique féroce du théâtre américain, de ses scléroses et de toutes les réformes qu'il serait bon d'y apporter. Une fois la lettre écrite, Gosry se sent mieux. Il met la lettre dans une enveloppe, ferme celle-ci et la met dans sa poche. Puis il rentre chez lui. Il n'a pas faim et se couche aussitôt après avoir jeté la lettre dans la valise qui contient tout ce qu'il possède. Le lendemain, Gosry n'a plus qu'une chose à faire. Essayer encore de trouver un agent théâtral qui ait un petit rôle, une panouille, comme on dit, à lui proposer. La course au cachet à New York en 1913 est tout à fait comparable à celle que connaissent aujourd'hui les intermittents du spectacle qui doivent survivre entre deux rôles. Quelques semaines plus tard, Gosry rentre chez lui. Une fois de plus, bredouille, découragé, et il est décidé. « Bon, j'abandonne le théâtre, je n'y arriverai jamais, je vais essayer de trouver un boulot de garçon d'ascenseur ou de coursier, enfin n'importe quoi. » Se met au lit, mais quelques minutes plus tard, on frappe à sa porte. Qui cela peut-il bien être? « Vous êtes là? C'est moi, Madame Farman, la propriétaire. » Gosry hésite à répondre. Il a 15 jours de retard pour le loyer. C'est bien le moment de venir les lui réclamer. Madame Farman insiste. « Je sais que vous êtes là. Ouvrez-moi, c'est important. » Gosry enfile son pantalon par-dessus sa chemise de nuit et entr'ouvre la porte. La propriétaire lui dit « Voulez-vous descendre? Le guéridon vous réclame. » Gosry met un moment avant de comprendre. Madame Farman, la propriétaire, est une fervente spirite. À l'époque, c'est une mode qui fait fureur en Amérique. Elle interroge presque tous les jours les esprits de l'au-delà qui lui répondent, selon leur humeur, par l'intermédiaire d'un vieux guéridon. Prenez un crayon et un papier. Une fois chez Madame Farman, Gosry la voit qui pose les mains sur le vieux guéridon à trois pieds. Il attend, et au bout de quelques instants, il voit nettement le guéridon qui se soulève. Bientôt, il ne reste qu'un seul des trois pieds qui soit encore en contact avec le sol. Madame Farman dit dans un murmure « Récitez les lettres de l'alphabet. » Gosry commence « A, B, C, D, Quand il arrive à la lettre E, le guéridon retombe lourdement sur le sol, puis il se relève. Les mains de Madame Farman l'effleurent doucement. Après le E, c'est le N qui provoque un coup de guéridon. La méthode est un peu longue, mais Gusry finit par aligner toute une série de lettres. Il ne comprend pas, il n'y a pas d'intervalle entre les mots. Si on coupe correctement la série de lettres, on obtient une phrase très claire. Envoyez la lettre que vous avez écrite, tout votre avenir en dépend. La lettre ? Quelle lettre ? Oh, la lettre que j'ai écrite pour Winthrop Hems. Aussitôt, en pleine nuit, Gusry court pour poster la lettre. Il n'a eu qu'un timbre à coller sur l'enveloppe. 3 jours plus tard, Gusry a la surprise de recevoir une réponse de l'agence Hems. Winthrop Hems, en personne, l'invite à se rendre à l'agence. Hélas, une fois à destination, une déception l'attend. La secrétaire lui annonce « Monsieur Hems est souffrant. Il est resté chez lui, revenez demain. » Le lendemain, nouvelle déception. L'état de santé de Winthrop Hems ne s'est pas amélioré. Il est toujours absent. Et de même le lendemain. Est-ce qu'on ne se payerait pas sa tête pour lui apprendre l'insolence et la fatuité? Mais le 4e jour, la secrétaire annonce « Monsieur Winthrop Hems a beaucoup aimé votre lettre. Il n'est pas en état de vous recevoir, mais il vous propose le poste d'assistant metteur en scène pour la nouvelle pièce qu'il va monter, avec un salaire de $25 par semaine, si cela vous convient, évidemment. » Comment $25 par semaine pourrait-il ne pas convenir à Gusry? Avec ça, il est sauvé. Et même pour travailler avec le grand Winthrop Hems, il l'aurait fait gratuitement s'il avait fallu. Le seul problème, c'est qu'en acceptant cet emploi, Gusry va se retrouver sous les ordres de M. Platt, dont il a renversé l'encrier quelques jours plus tôt. Mais les dieux du théâtre veillent sur Gusry. M. Platt a retrouvé son calme. Quant à Winthrop Hems, il faudra attendre 8 mois avant que Gusry le rencontre enfin. C'est à l'occasion de cette entrevue que Gusry se voit proposer le poste d'assistant personnel du grand Winthrop Hems et la responsabilité d'une mise en scène. 14 mois après avoir renversé l'encrier, Gusry s'assied derrière le bureau qu'il a lui-même taché d'encre. L'année suivante, on lui propose un contrat à l'année et non plus à la pièce. 10 ans plus tard, Gusry se voit proposer un nouvel accord par Winthrop Hems. Il est temps que vous voliez de vos propres ailes. Si vous voulez, je peux vous aider financièrement à monter votre propre maison de production, à condition, bien sûr, qu'il y ait une pièce que vous ayez envie de monter personnellement. Ah oui, je suis tenté. J'aimerais monter la route de Douvres. Et la route de Douvres devient le premier brillant succès de Gusry. Le guéridon avait bien eu raison de l'inciter à expédier la lettre, écrite dans un moment de rage et de frustration. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Gusry, occupé par sa toute nouvelle carrière, continuellement en voyage, n'oublie pas Madame Farman, la propriétaire médium. Il lui rend parfois visite. Il lui fait parvenir des places de théâtre. Un jour, la presse théâtrale annonce le nouveau projet de Gusry, monter Jézabel avec en vedette la grande, l'irrésistible Tallulah Bankhead. Madame Farman se manifeste par une petite lettre. Renoncez à Jézabel. Miss Bankhead ne jouera jamais votre pièce. Gusry se dit, elle est bien gentille, Madame Farman, mais là, elle exagère un peu. 2 jours plus tard, Tallulah Bankhead tombe malade, impossible pour elle de jouer le rôle principal de Jézabel. Gusry ne veut pas renoncer, aussitôt il engage une autre grande vedette de Broadway, Miriam Hopkins. C'est le four le plus noir de toute sa jeune carrière. Madame Farman avait raison. Quand Gusry veut la contacter pour la remercier, elle est introuvable. Elle est partie sans laisser d'adresse. Mais Gusry a du talent. Un échec peut l'abattre. Cela ne suffit pas à briser sa carrière. Il continue à monter des spectacles, à connaître des succès, parfois des triomphes. Il épouse Kitty, une grande comédienne qui triomphe à Broadway. Le couple est heureux. Un jour, on apporte une nouvelle pièce à Gusry. Les Barrett Wimpole Street. Cette pièce, tirée du roman de l'anglais Rudolf Bézier, est proposée à 27 producteurs différents, qui la refusent tous, comme un seul homme. Kitty lit les Barrett et trouve cela excellent. « Tu devrais monter cette pièce », et je pourrai jouer le rôle principal. Le projet prend corps, non sans mal. Kitty n'est pas tout à fait le personnage, mais elle est séduite par l'idée de travailler dans la même production que son époux. Cependant, les choses tournent mal. Les répétitions sont l'occasion de nombreuses frictions entre les comédiens principaux. Guthrie tombe malade, doit rester 8 jours au lit. Quand il réapparaît au théâtre, Kitty est découragée. « Je renonce au rôle, chérie. Trouve quelqu'un d'autre. » Guthrie est lui aussi à bout de nerfs. « Kitty, si tu abandonnes tout ton ballot, ce sont nos deux noms sur la même affiche qui attireront le public. » C'est à ce moment que la secrétaire de Guthrie intervient. « Monsieur, une dame vous demande au téléphone. Elle dit qu'elle est une amie et que c'est très important. » « Une amie ? Quelle amie ? Ah, tombe bien celle-là. Qu'est-ce qu'elle me veut ?» Au bout du fil, la voix féminine lui dit, sans même avoir la politesse de se présenter, « Guthrie, le projet que vous avez en cours est très important. Ne lâchez pas. Ce sera le plus grand succès de votre carrière. » « Madame Farman, mais comment avez-vous eu mon numéro personnel ?» Elle a raccroché. Guthrie reste un moment songeur au téléphone, puis il lance « Allez au travail ! On est dans les barrettes ? Alors on va jouer les barrettes !» Les barrettes de Wimpole Street sont donc montées avec Kitty dans le rôle principal, et c'est un énorme succès. La troupe après Broadway parcourt les États-Unis dans tous les sens. Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, les barrettes sont jouées en France, en Italie, en Hollande, pour les troupes américaines. La tournée prévue pour 8 semaines se prolonge sur 8 mois. Guthrie McClintic connaît le plus grand triomphe de sa carrière avec Kitty, son épouse, plus connue sous le nom de Catherine Cornell, l'équivalent américain de notre grande Edwige Feuillère. Mais Madame Farman ne s'est plus jamais manifestée.